Remarque número 1 dans le chapitre 18, noyau. Question. Si on dit quels sont les éléments constituant du noyau atomique en général. Un noyau est constitué de quoi? Citer les éléments qui constituent le noyau, nous disons que le noyau est constitué généralement de nucléons. Nous disons nucléons. Izan, kemen sami'na la, ma'alif le noyau min nucléons. Nucléons, hne deux sortes. Nawain. عندنا البروتون وعندنا النيوترون. فبدنا نضيع ما بدنا نضيع هون بانه النيوكليون هني نوعين بروتون ونيوترون. البروتون هن بارتيكول شارجي بوزيتيفومون يعني عندهم شارج الكتريك. اما النيوترون هن بارتيكول كي ني سون با chargé électrique. Ils n'admettent pas de charge électrique. How do you mean? Un neutron. Et ça, qu'est-ce qu'on entend? Un noyau. Il y a un noyau, il y a un symbole XZA. Ou à un moment, XAZ. Z, il y a un tahit, il y a un base à l'X, XZA. Z, il y a un tahit, il y a un nombre de charge électrique. Nombre de charges. Et nombre de quoi? Neutron ou la proton? Min il y a une charge, il y a une charge électrique. Le proton. Et ça, Z désigne le nombre de charges électriques. Mouch la charge électrique, si tout le monde dit que Z est une charge électrique, la noyau. Chata. Z est une adad de charge électrique. Alors, il dit que la charge électrique, la noyau, ou le Q égale Z de fois charge du proton. Quel proton a une charge? Il y a plus 1,6 fois 10 sens moins 19 coulombs. Ça veut dire que la charge électrique, le noyau, il est positif. Alors tout le noyau charge électrique positif. Mais où Z de fois 1,6 fois 10 sens moins 19 coulombs. Ça veut dire que la charge électrique, le noyau. Mais Z, il y a un nombre de charges électriques, le noyau. Que désigne A? A, il faut. Il est pas mon faux. شو هي مثل مثلا سي 6 12 السيس من تحت هي زد والدوز هي اللي فوق بتكون هي نومبر دو نوكليون يعني كل النوكليونات اللي قلبن ويو سواء البروتون او النيترون مجموعهم كله هن عدد العدد هذا ا اذا الار ريبريزونت لو نومبر دو نوكليون مثلا اذا قلنا سي 6 14 مثلا سي 6 14 السيس هي النومبر دو كوا؟ دو بروتون. وال 14 نومبر دو نيكليون. معناتها فينا نحن نستنتج نومبر دو كوا؟ معناتها النيكليون عبارة عن بروتون ونيوترون. إذا أون بو ديدوير لو نومبر دو نيوترون. قد إيه بيطلع عدد النومبر دو نيوترون هلا؟ بالسي 6 14. أكيد. كونه 6. Le proton, il y en a 14 nucléons, mais il y en a une soustraction. 14 moins 6, il y a 8. 8 quoi? 8 neutrons. Un neutron, il y a une charge électrique nulle. Généralement, il y a X, Z, A, sur le nombre de neutrons. Le N égale A moins Z. A moins Z, le N est le nombre de neutrons. Le A moins Z, le N, est le nombre de neutrons. هذا رمارك نمبر 1 عن الكومبوزيسيون دان نوايو اتوميك.